elle remplit la page du Belphégor, la pyramide et la main de leur sœur dans la culotte. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 22 novembre, nous souhaitons une bonne fête aux Céciles. Les dictons nous disent à la Sainte Cécile, si on plante des pois, ils viennent comme des mâts. Ou encore pour la Sainte Cécile, chaque fève en fait mille. Célébration internationale aujourd'hui au Liban, c'est la fête nationale qui commémore l'indépendance obtenue vis-à-vis de la France. Dans les événements qui se sont déroulés un 22 novembre, en 1943, indépendance du Liban, 1963 avait lieu l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et en 2005, Angela Merkel devenait chancelière d'Allemagne. Allez, on va faire un point sur les événements du week-end en région et on va commencer tout de suite avec la Scopa Art qui propose un concert ce samedi 23 novembre à 20h30 au centre socioculturel de Rupt-sur-Moselle. Les Nancéens de Jivin Frog interprète les plus grands titres d'Elvis des années 50 et 60. En 2016, ils ont invité le célèbre pianiste de Boogie Woogie, Mike Sanchez, sur scène pour un concert unique. Ils partagent depuis leur passion dans le cadre de festivals pour un show tant musical que visuel pour voyager au bon vieux temps du rock'n'roll à l'époque où tout était permis, où Elvis déchaînait les passions sur scène. Réservation 06 74 02 15 06. Le Linky, compteur intelligent ou capteur mouchard coûteux, intrusif, polluant et dangereux. Et nous aborderons également la question du déploiement de la 5G, de nouvelles conférences débat dans les Vosges. Ce vendredi 22 novembre à 20h à Arolles, salle des jeunes, 113 rue de la Gare. Ou bien vendredi prochain, le 29 novembre, toujours à 20h, ce sera à Cornimont, à la salle des fêtes en face de l'église. On continue avec le marché de Noël de l'Abri qui ouvre à la braderie de Saint-Étienne ce samedi 23 novembre. L'Abri accompagne des personnes en grande difficulté et ses activités contribuent également au développement durable. Bénévoles et salariés de l'Abri organisent un marché de Noël à la braderie de l'Abri, 5 rue des Grands Moulins à Saint-Étienne-lès-Miremont, du samedi 23 au samedi 30 novembre, sauf dimanche et lundi aux horaires habituels de la braderie. Le samedi 23 novembre sera consacré aux jouets et aux décorations de Noël à petit prix. L'Abri remercie les personnes qui visiteront le marché de Noël de l'Abri et apporteront ainsi leur soutien aux plus démunis. Voilà pour les événements de ce week-end et on écoute tout de suite Chris qui nous parle des dons du sang de ce mois de novembre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo, 107 FM. C'est Chris et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine Champagne pour le mois de novembre 2019 dans notre département. Tout d'abord, comme je le répète chaque mois, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il est très important d'aller donner son sang, dont voici les dates, pour le mois de novembre de notre département. Le mardi 26 novembre 2019, à Leval d'Ajol, à l'espace Dorothée, situé à l'adresse 71 Grande Rue, de 15h30 à 19h30. Le vendredi 29 novembre 2019, à Le Touly, à la salle polyvalente, situé à l'adresse 2 route du Petit Paradis, de 16h à 19h30. Je le répète une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris, et tout de suite on va marquer notre première pause musicale avec le groupe In Excess, puisqu'en 1997 décédé Michael Hutchence, chanteur du groupe In Excess, et donc on écoute tout de suite le titre Need You Tonight. In Excess sur RGM. Un peu plus de 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 22 novembre 1958. Naissance de Jamie Lee Curtis, actrice américaine, connue pour son rôle de Laurie Strode dans Halloween, la nuit des masques, Halloween 2, Halloween 20 ans après il revient, Halloween Résurrection, Halloween sorti en 2018 où elle est également productrice exécutive. Elle reprendra ce rôle dans Halloween Kills, sortie prévue pour 2020, également productrice exécutive, et encore un autre volet qui devrait être le dernier vu le titre Halloween Ends, sortie prévue en 2021, également productrice exécutive, vue également dans Un poisson nommé Vanda, dans le rôle de Vanda Jervitz, Freaky Friday dans La peau de ma mère, dans le rôle de Tess Coleman, à la télévision dans les séries New Girl ou encore Scream Queens. 1961, naissance de Marielle Hemingway, actrice américaine, vue dans Manhattan dans le rôle de Tracy, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, ou encore Harry dans Tous ses états dans le rôle de Bess Kramer. 1966, naissance de Anne Brochet, actrice française, vue dans Cyrano de Bergerac, Tous les matins du monde, récompensée du César du meilleur second rôle féminin, Un château en Espagne ou encore La rafle. 1967, naissance de Boris Becker, ancien joueur de tennis allemand, ayant fait carrière de 1984 à 1999, qui a été numéro 1 mondial mondial en simple en 91, qui a gagné 3 fois Wimbledon, 2 fois l'Open d'Australie, 1 fois l'US Open, demi-finaliste à Roland-Garros, en double numéro 6 mondial en 1986. Aux Jeux Olympiques, il compte une médaille d'or remportée en double. Il compte également 2 Coupes Davis remportées en 88 et 89, 2 World Team Cup remportées en 89 et 98 et enfin une Hopman Cup remportée en 95. On reste en 67 avec la naissance de Mark Ruffalo, acteur américain vu dans Collateral, Shutter Island, mais surtout connu pour son rôle du docteur Bruce Banner alias Hulk dans Avengers, Avengers l'ère d'Ultron, Thor Ragnarok, Avengers Infinity War ou encore Avengers Endgame, et vu aussi dans Insaisissable 1 et 2 dans le rôle de Dylan Rhodes. 1968, naissance de Citze Babette Knudsen, actrice danoise, vue dans le film L'Hermine dans le rôle de Ditte Lorenzen Cotteret, récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle. 1978, naissance de Mélanie Douté, actrice française, vue dans Ce soir je dors chez toi, Le bal des actrices, RTT dans le rôle d'Émilie, Les infidèles, Jamais le premier soir, Le grand bain sorti il y a quelques temps maintenant, vue dans le rôle de Clem, pardon, à l'affiche, il me semble que ça doit être encore au cinéma, hein, dans le film Donne-moi des ailes dans le rôle de Paola, et vue à la télévision dans Chère Marianne dans le rôle de Camille Rivet ou encore Clara Scheller dans le rôle de Clara Scheller. 1984, naissance de Scarlett Johansson, actrice américaine, vue dans Maman, je m'occupe des méchants, L'homme qui murmura à l'oreille des chevaux dans le rôle de Grace McLean, Lost in Translation dans le rôle de Charlotte, Match Point, Le Dahlia Noir, Vicky Cristina Barcelona dans le rôle de Christina, Ce que pensent les hommes, Nouveau départ, Lucie dans le rôle de Lucie, Ghost in the Shell dans le rôle de Motoko Kusanagi, mais on la connaît surtout pour son rôle de Natasha Romanoff alias la veuve noire dans Iron Man 2, Avengers, Captain America le soldat de l'hiver, Avengers l'ère d'Ultron, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame sorti il y a quelques mois maintenant, et elle reprendra d'ailleurs ce rôle dans Black Widow. Elle aura enfin son film parce qu'elle est apparue à peu près dans tout les épisodes Marvel, sauf Thor d'ailleurs, mais Iron Man, Avengers et Captain America. Mais là, ça y est, elle va avoir son film. Ça va être le personnage principal. Donc, Black Widow, sortie prévue pour 2020. Alors, sans vous spoiler ce qui se passe dans Avengers Endgame, je trouvais bizarre de voir un épisode de Black Widow maintenant. Mais l'action de ce film se passera après Captain America Civil War. Voilà, faut arriver à suivre, hein, quand les Marvel ne sortent pas forcément dans l'ordre, mais voilà. Black Widow, donc sorti 2020. On continue. 1986, naissance d'Andrew James West, acteur américain connu pour son rôle d'Henry Mills adulte dans la série télé Once Upon a Time. 1988, naissance de Jimmy Campbell Bower, acteur mannequin britannique, vu dans Twilight chapitre 2 et Twilight chapitre 4 partie 1 et partie 2 dans le rôle de Caius Volturi, vu dans Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie dans le rôle de Gellert Grindelwald jeune, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, sorti en 2018. On termine en 1993 avec la naissance d'Adèle Exarchopoulos, actrice française vue dans La Rafle dans le rôle d'Anna Traube, La vie d'Adèle dans le rôle d'Adèle, récompensée par la Palme d'Or au Festival de Cannes 2013 et par le César du meilleur espoir féminin, et vue ensuite dans Orpheline ou encore Le Fidèle. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale avec le nouveau titre de Soprano, à nos héros du quotidien. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé, eh. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un vous, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. À nos héros du quotidien Soprano sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47 et on fait un point sur la météo. La météo. Une météo hier qui était agréable. On a eu une belle après-midi ensoleillée, des températures agréable, c'est très bien pour une journée d'automne, hein, c'était très agréable. Et bien aujourd'hui, ce sera un petit peu près pareil, avec peut-être un petit peu plus de nuages que la veille. Des températures moins fraîches, hein, ce matin. On débute la journée avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin. Pour cet après-midi, entre 9 et 11 degrés, à peu près comme hier après-midi, hein, je vous le disais. Pour ce week-end, et bien ce sera soleil et nuages. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés samedi matin, entre 6 et 7 degrés samedi après-midi, dimanche entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On débute avec le tennis, la Coupe Davis, la World Cup, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas la France s'est inclinée 2-1 hier face à la Serbie. Joe Wilfried Tsonga a perdu le premier match, hein, 7-5 et 7-6. Benoît Paire a ensuite perdu contre Novak Djokovic en 2-7, 6-3, 6-3. Le point du double a été ramené, hein, par Mahut et Herbert qui ont gagné en 2-7, 6-4, 6-4. C'est donc là la fin du parcours pour l'équipe de France. La World Cup, nouvelle formule, hein, qui n'en finit pas de faire parler d'elle, puisque l'Italie et les États-Unis ont fini leur rencontre à 4h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui est absolument, pas, je vais pas dire inadmissible, mais pas loin. Voilà, 4h du matin, c'est quand même très très tard, ou très tôt, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, ça fait parler, en plus des spectateurs qui ne sont pas présents. Donc voilà, on continue d'en parler. Mais voilà, c'est la fin pour la France. Les quarts de finale, le Canada s'est qualifié 2-1 face à l'Australie. Et aujourd'hui, à 10h, il y aura Serbie-Russie, et à 17h30, Argentine-Espagne et Grande-Bretagne-Allemagne. On continue l'actu sportive avec du basket. en Pro B samedi, Nancy qui reçoit Quimper. En National 1 ce soir, le Jet Vosges reçoit Andrézieux. En football, en Ligue 1 ce soir, le PSG reçoit Lille. Samedi, Lyon recevra Nice, Amiens, Strasbourg, Angers, Nîmes, Brest, Nantes, Dijon, Rennes et Metz, recevra Reims. Dimanche, il y aura Bordeaux, Monaco, Saint-Étienne, Montpellier et on terminera avec Toulouse, Marseille. En Ligue 2 ce soir, Nancy se déplace à Grenoble. En National 2 samedi, Épinal se déplacera à Saint-Maur. En National 3 samedi toujours, Raon-l'Étape recevra l'équipe 2 de Metz et Thaon-les-Vosges recevra le club d'Ilkirch. En hockey sur glace, en D2, Épinal recevra la patinoire de Poissompré à 18h05, le club de Courbevoie. Et on termine cette actualité en parlant des Jeux Olympiques 2024 qui approchent à grands pas, c'est dans un peu moins de 5 ans, et sont décernés en ce moment des labels Terre de Jeux 2024 destinés aux collectivités qui s'engagent dès aujourd'hui dans l'aventure des Jeux avec leurs habitants. Ce label va permettre à chacun de contribuer à son échelle à 3 grands objectifs. Premièrement, la célébration pour faire vivre à tous les émotions des Jeux, l'héritage pour changer le quotidien des Français grâce au sport et l'engagement pour que l'aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre. Je vous en parle puisque 3 villes du département des Vosges ont reçu ce label Terre de Jeux 2024 avec donc la possibilité de recevoir des équipes étrangères pendant ces Jeux olympiques. Alors ces 3 villes vosgiennes sont Épinal avec sa communauté d'agglomération, la Bresse et Vittel. Donc voilà, affaire à suivre pour pourquoi pas et bien vivre ces Jeux au plus près. On vous tiendra bien évidemment au courant. Allez, tout de suite, dernière pause musicale, un titre que j'adore, un groupe que j'adore. Ils sortent leur nouvel album aujourd'hui intitulé Everyday Life. Ils font parler d'eux avec cette sortie d'album en délivrant des passages de leurs chansons sur les réseaux sociaux. Je vous parle de Coldplay, mais ce groupe fait également parler de lui puisque Coldplay a décidé d'annuler sa tournée pour ne pas polluer un peu plus la planète. Le groupe Coldplay qui s'engage donc pour l'environnement. Donc l'album, je vous le disais, Everyday Life sort aujourd'hui. On s'écoute le titre Orphans, le premier single donc de cet album. Like the moon, would I be Fans du groupe Coldplay sur RGM, presque 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent. Aujourd'hui à 11h, ce sera Ours et Carottes, 14h, la rediffusion de J'aimais, je vous le lis, 15h, Just Time, 20h, Relax, Sofro, 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent, consacré au concert de Jacques Simard, à l'exposition Eric Lehmann et Rencontre UEV avec l'auberge littéraire belge. Voilà, quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.